choisis pas si je suis née là-haut. Et je resterai toujours là-haut. C'est un autre monde, celui des mots. C'est le bidonville, sa rue et sa zone, et ce monde-là, c'est chez moi. Oui, chez moi. Choisis.